aux enfers. Les brebis ont perdu leur âme du fond du puits vers la haute mer, cachée, blottie derrière les flammes. Il entend les cris de sa mère. Un apprenti pour devenir supérieur, l'homme est un apprenti. Seule voix de la providence. Les brebis ont perdu leur âme sous le joug des flammes de l'enfer, cachées en essuyant ses larmes. Il entendait les cris de sa mère. Un apprenti pour devenir supérieur, l'homme est un apprenti. Un apprenti.